Je vis tout seul, au fond de la classe. Je dis je vis, mais pas vraiment. Ils disent que j'ai pas de cervelle, j'ai que de la crasse. Faut se faire tout petit, petitement. Et pendant que les purs, les vrais intelligents, vous savez, ceux qui sont toujours au premier rang, pendant qu'ils vivent la vie des autres, la vie des bons auteurs, la vie des 12 apôtres, moi je vis la mienne et vive le naufrage. Moi je vis la mienne et vive le voyage. Un bout de soleil tombé du ciel au creux de ma main et je voyage. Un chant d'oiseau qui s'est perdu parce que personne l'a entendu et je voyage. Bouche fermée, les bras croisés, les yeux levés, écoutez bien, têtes incultes, le bon savoir, le seul savoir, le vrai savoir, et nous serons de bons adultes. Et mon frère corbeau à l'autre bout du champ chante pour lui tout seul la chanson du printemps. Le professeur m'a dit que j'étais intelligent, mais pas comme il le faudrait. C'est pas de la bonne intelligence. Je suis ce qu'on ne doit pas faire, l'exemple à ne pas retenir, qui rit quand il faudrait se taire. Et mon avenir, ils disent que j'ai pas d'avenir. Et pendant que les autres font des sciences naturelles, moi je pense à Margot, Margot qui est si belle, qui ne sait rien du tout, ni d'Iéna, ni d'Arcole, mais qui a la peau douce, et douce la parole, qui se fout du génie, et vive le naufrage, et qui aime la vie, et vive le voyage. Un grand loup bleu danse dans ses yeux quand on le veut, et on voyage. Puis il nous mord au creux des reins, c'était hier, je m'en souviens, et on voyage. Bouche fermée, les bras croisés, les yeux levés, écoutez bien, têtes incultes, le bon savoir, le seul savoir, le vrai savoir, mais vous serez de bons adultes. Et mon frère corbeau à l'autre bout du champ chante pour lui tout seul la chanson du printemps. Apprendre à lire et à écrire, pour moi aussi c'est important. Mais après, pour lire quoi, écrire quoi, ce qui les arrange les grands. Le jour de ma naissance, je suis venu dans le tumulte, sans doute pour m'avertir que je venais dans un monde occupé par les adultes. Qu'est-ce que ça serait bien l'école, si au lieu de toujours parler d'hier, il nous parlait un peu d'aujourd'hui, de demain. Mais de quoi je me mêle, moi? C'est vrai que j'y connais rien. Pourtant, j'ai l'impression que j'apprendrai mieux ce qui me touche un peu, ce que j'aime bien. C'est peut-être pour demain. Qu'est-ce que ça serait chouette, demain? Maintenant, il vaut mieux que je rentre. La cloche a sonné. Composition d'histoire. J'aurais dû réviser, et moi, je suis là à parler. Vous savez peut-être, on dit qu'il y a eu un coup d'État au Chili, qu'on y assassine pour un non, pour un oui, qu'au Portugal, il y en aurait eu un aussi, qu'au petit matin, c'était la fin de la nuit, et que depuis hier, on chante à nouveau dans les rues en Espagne. Mais je ne suis sûr de rien. Non, monsieur, non. J'ai seulement entendu dire. Il ne parle pas de ça ici. Vaut mieux que je rentre. La cloche a sonné. Composition d'histoire. Et j'ai encore oublié. Et pourtant, c'est facile. Et puis, c'est important. Mais je m'en rappelle jamais. La date de la bataille de Marignan. Ouais, je sais que c'est facile. Mais j'ai encore oublié. Et merde, dimanche, je vais encore être collé. Et pourtant, c'est facile, hein.